Les autres étrangers et les ressortissants coréens en Chine qui ont participé au 21e festival de Kim Jong-il ont visité Mangyongdae, pays natal du président Kim Il-sung, la filature Kim Jong-suk de Pyongyang, le musée de la guerre de libération de la patrie et autres endroits.